Cours numéro 27. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dans notre dors précédent, intahayna min hadha al-bab al-muhim bab al-ijtihad. Et ce chapitre, il est lié à un autre chapitre, c'est bab al-taqlid. Limadha li'anna an-nas sont ala qismayn. Imma un mujtahid qui est capable de connaître al-hukm et de distinguer entre Al-Aqwal, etc. Et tu as Al-Muqallid, celui qui n'est pas capable, celui qui suit aveuglément. Hada taqsim, c'est pour faciliter, c'est bil-jumla. Wa illa, il y a des degrés fi l'ijtihad, il y a des degrés fi celui qui n'est pas un mujtahid, il a akhir. C'est pour ça que Cheikh Al-Uthaymeen, il a cité hadhihi al-abwab à la fin de ce livre. Wa taqaddam ma'ana anna al-ijtihad, c'est le fruit de hadha al-ilm. Et celui qui comprend tous les chapitres que Cheikh Al-Uthaymeen, il a cités, et que Immatul Usul, ils ont cité dans leur livre de Usul al-Fiqh, les fondements de la jurisprudence. S'il a acquis hadhihi al-usul, bien sûr, avec d'autres ulum, comme on a étudié ensemble dans les shurut précédemment, la langue arabe, ilm al-hadith, connaître l'adilla, le Qur'an et le sunnah, etc. Hada, il sera capable de faire l'ijtihad. Donc le fruit de ce ilm et de ces efforts qu'il a fait, ça sera l'ijtihad. Si il n'a pas fait ses efforts, ou il ne connaît pas ce ilm, il basculera fit taqlid. Et ça sera un muqallid. Et c'est le dernier chapitre. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-i'ana wa al-tawfiq. Qala rahimahullah. Awalan, avant de lire, nous nabih. Ah non, on ne va pas détailler. On ne va pas détailler comme on a fait peut-être dans le chapitre précédent. Limada li anna. Al-ulama, ils ont traité ce sujet dans des livres à part. Et ce sujet, il demande une étude plus ou moins approfondie pour bien comprendre. Il y a beaucoup de cas, etc. On lit Kalam Cheikh Ibn Uthaymeen et c'est un résumé tayyib. Il a résumé At-Taqlid dans ce dernier chapitre avec un résumé tayyib. Et à notre niveau, pour l'instant, il nous suffit. Et dans Bab al-Usul, ça nous suffit. Wallahi alhamd. Et on a une risala mufida jiddan qu'on essaiera prochainement d'étudier ensemble, wa hiya hukm at-taqlid li al-allama Hamad ibn Nasir ibn Mu'ammar al-Najdi al-Hanbali rahmatullah alayh min talamid al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Tamimi rahimahullah Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ay sahib kitab tawhid al-mujaddid li al-da'wah al-salafiyya à cette époque rahmatullah alayh. C'est lui qui a fait revivre هذا المنهج بإذن الله سبحانه وتعالى et qui a propagé At-Tawhid. On a étudié beaucoup de ses livres. Un de ses élèves, il s'appelait Cheikh Hamad ibn Uthman ibn Mu'ammar rahimahullah. Il a écrit cette risale. Ou plutôt, c'est la réponse à une question. Et cette réponse, elle est موجودة في الدرر السنية. Ouais, il fait partie de A'immatu Najd rahmatullah alayhi. Min A'immati At-Tawhid. Et il a répondu à cette question sur At-Taqlid et ils l'ont imprimé en une risale. Ça nous montre ilm haoula. Une réponse à une question. Ils ont posé une question, il a répondu, c'est devenu une risale. Muhaqqaq. Et vous allez voir, elle est assez courte, lakin fiha fawaid kathira. Il a détaillé ce que Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi, huna, il a résumé. Donc, on n'a pas besoin pour l'instant de tout détailler. Inch'Allah ta'ala, on essaiera d'étudier هذه المسألة. Pourquoi ? لأن التقليد, ça fait beaucoup de mal. التقليد, كما قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه, c'est comme أكل الميتة. C'est comme manger de la bête morte. Tu ne fais du تقليد que si tu n'as pas le choix. أكل الميتة, c'est حرام. Allah سبحانه وتعالى حرم علينا. الميتة. Et la bête morte, on n'a pas le droit. Là, pour que la bête soit halal, il faut la sacrifier au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais une bête morte, c'est haram. At-taqlid, c'est haram. Sauf inda ad-darura. Et elle met à la bête morte, tu as le droit de manger de cette bête si tu es fait darura. Tu ne trouves pas de quoi manger. Si tu ne manges pas, tu tombes malade. Ton cas, il s'aggrave. Obama, tu meurs. Tu as que cette nourriture, tu la manges. At-taqlid, c'est la même chose. Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, l'imam, il a comparé à At-Taqlid, al-Maita, c'est un mithal tayyib pour te montrer l'importance du sujet. N'aam. Fa, li hada, ce point, fa, l'haqiqa, il doit être étudier dans une risala à part qu'on essaiera prochainement. بإذن الله سبحانه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: التقليد تعريفه هو التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة. التقليد ça veut dire قلادة. القلادة c'est ce qu'ils mettent autour de la bête, autour de son cou pour la tirer. Et si tu as compris قلادة, tu vas comprendre le lien avec l'istilah. Cette bête, ça peut être une bête qui fait le double, le triple de ton poids, qui a beaucoup plus de force que toi. Lakin bi'idhnillah azza wa jalla, avec une simple corde autour de son cou, tu l'emmènes où que tu veux et elle te suit. Elle te suit. Wa hakadha al-muqallid. Al-muqallid, il suit. C'est comme si wahid, il le tire avec une corde. Et il suit et il ne sait pas pourquoi il choisit cet avis. Ou pourquoi il délaisse cet avis. Fa li hadha qalu fil istilah wa istilahan. اتباع من ليس قوله حجة. اتباع من ليس قوله حجة. أي c'est le fait de suivre une personne et cette personne son قول c'est pas une حجة. أي autre que le prophète عليه الصلاة والسلام. فالحجة c'est le prophète عليه الصلاة والسلام. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. Donc c'est ça. الدليل que النبي صلى الله عليه وسلم c'est الحجة. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Vous avez remarqué que fi ulil amr Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas cité de ta'a. Limada? Lianna ta'a c'est lillah ou lil rasoul. C'est pour ça que si quelqu'un contredit un nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui qu'il soit, quel que soit son niveau, on n'est pas obligé de le suivre. Kama qala al-imam Malik rahimahullah, kullun yu'khad min qawlihi wa yurad illa sahib hadha al-qabr. On peut prendre la parole de tout le monde ou la délaisser, sauf celle du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Si c'est qawl al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le hadith il est sahih, on est obligé de le prendre en considération. Si c'est un wajib, on doit le faire. Si c'est un recommandé, c'est mieux de le faire. Si c'est un haram, on doit délaisser. Amma ghayr al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa comme on a cité. Fa li hadha qawluhu ittiba' man laysa qawluhu hujja. Le fait de suivre quelqu'un son qawl, c'est pas une hujja. Ba'd al-ulama, ils ont rajouté un qayd muhim bi ghayr hujja. Et ça, c'est un point important. Il y en a, tu peux suivre quelqu'un. Son qawl, c'est pas une hujja, lakin il a une hujja. Matalan, on dit, nahnu, cet avis, on choisit le qawl de Cheikh l'Islam, le Taymiyyah, rahimahullah. Donc, on a choisi son avis. Et on le suit, lui, dans ce point. Pourquoi? Parce qu'il a un dalil. Fa, al-haqiqa, on suit le dalil que Cheikh l'Islam, il a. Fa, al-ta'rif, ittiba' man laysa qawluhu hujja bi ghayri hujja. Hakadha, a'arrafahu, kathir min ahli al-ilm. قال فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أهل الإجماع واتباع الصحابي إذا قلنا أن قوله حجة وهذا تقدم معنا أن الصحيح c'est que قول الصحابي c'est pas une حجة sauf bien sûr si c'est un أمر من أمور الغيب فصن قول لحكم الرب bien sûr كذلك sauf si ce sahabi il a un qawl et personne ne le khalif. Son qawl il s'est propagé et personne ne le khalif. Ça revient à l'ijma'. Ce qawl, ils ne l'ont pas rejeté parce qu'ils sont tous d'accord. Amma, quand il y a un khilaf, et ça nous montre que ce n'est pas une hujja, quand il y a un khilaf, on revient au sahabi qui a la hujja. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Et cette mas'ala taqaddamat. Et kadalik cette mas'ala, dans d'autres livres plus vastes que hadha al-mukhtasar, At-Talib, il détaille ce point. Ala kulli hal, il y a un khilaf bayna ahli al-ilm. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen قال idha qulna anna qawlahu hujja. Si on dit que son qawl c'est une hujja, ça montre que al-mas'ala fiha khilaf. Amma al-ijma' fa taqaddam ma'ana. L'unanimité, c'est pas du taqlid. L'unanimité, c'est al-haq, c'est une preuve. Et l'unanimité, elle est forcément fondée sur un dalil. C'est pour ça que c'est pas at-taqlid. At-taqlid, c'est suivre une personne sans dalil. C'est ça le taqlid pour résumer. L'ijma' il est fondé forcément sur un dalil. Qu'on le connaisse ce dalil ou pas, si l'ijma' il est sahih, tu trouveras un dalil. Si tu ne trouves pas de dalil, sache qu'il y a un dalil. Hada la bout. Forcément, c'est comme ça l'ijma'. Wahada, on a vu un chapitre sur l'ijma' ensemble dans cette risale. قال فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لأنه اتباع للحجة لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع نعم الظاهر والواضح c'est que pour rester simple أن الاتباع c'est suivre la preuve كما قال عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ça c'est l'اتباع Donc, c'est le fait de suivre une preuve. Imma le Coran, imma le Sunna, imma l'unanimité. At-taqlid, c'est le fait de suivre lakin sans hujja. Donc, la différence, c'est at-dalil. Qala mawadhi' at-taqlid. Yakun at-taqlid fi mawdi'ayn. Al-awwal an yakun al-muqallid amiyan. Aïe, ceux qui font du taqlid, ils sont de deux catégories. La première catégorie, al-muqallid. Al-muqallid, c'est celui qui fait taqlid. Aïe, il n'a pas la capacité de connaître al-hujja. Aïe, il n'a pas la capacité de connaître la preuve, l'argument, à cause de son ignorance. Qala an yakun al-muqallid amiyan la yastati' ma'rifat al-hukm binafsihi fa farduhu at-taqlid. Aïe, il ne peut pas connaître le hukm tout seul. Imma il ne maîtrise pas la langue arabe, imma il n'a pas étudié l'usul, imma il ne connaît pas le Coran, imma il ne connaît pas as-sunnah. Donc, bien sûr que hada, il peut pas citer un hukm, ou il peut pas retirer un hukm d'un dalil. Peut-être qu'il ne connaît pas le dalil. Même s'il le connaît, ça peut être un ami. Bah, de l'awam, ils connaissent le Coran par cœur, et c'est des awam. Et ils n'ont pas la capacité, ils ne comprennent pas. Imma, ils ne comprennent pas la langue arabe, malgré qu'ils connaissent le Coran. Imma, ils ont des problèmes dans ulum al-ala, il connaît pas l'am ou l'khas, tout ce qu'on a vu auparavant. Qala li qawlihi ta'ala fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun. Qala wa yuqallid afdal man yajiduhu 'ilman wa wara'an fa in tasawa 'indahu ithnan khuyira baynahuma. Awalan qawluhu fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun. Fas'i il demande pour connaître le hujja. Si hada sa'il, celui qui pose la question, il demande, il pose la question, et son but, c'est de connaître la preuve et de suivre la preuve, hada c'est pas muqallid. Bal hakada talabatul ilm. Hakada talabatul ilm, il demande, il pose des questions, et c'est pas du taqlid. Limada liyanna, le but de la question, c'est de connaître le hukm. Maintenant, tu demandes à un shaykh, ya shaykh, ma hukmu kada, ma ad-dalil, barakallahu fik, le shaykh, il te dit, الحكم أنه سواء واجب والدليل قوله تعالى et te cite un verset. هذا c'est pas du taqlid. Bal tu as demandé le hujja, tu as montré le hujja, tu suis la hujja, la preuve. Donc tu n'es pas un muqallid. Tu as une deuxième catégorie, أنهم ils demandent et le shaykh peut-être il cite pas de dalil. Ou le shaykh il cite un dalil et celui qui pose la question, il ne comprend pas le dalil. Il suit la réponse, pourquoi? Parce que c'est le shaykh qui l'a dit. هذا c'est un muqallid. Et si c'est un ami, il est excusé. S'il comprend la règle, ou plutôt la preuve, les nabar de la ouam, ils comprennent les preuves. Il y a des preuves, c'est clair. Maintenant, il demande, est-ce que salat al-duha, c'est une sunna? Et le shaykh lui répond, na'am, c'est une sunna, li anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal, et le nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait, et le sahaba radiyallahu anhum, ils l'ont fait. Là, il a compris les adillah, et il fait salat al-duha, pourquoi? Parce que le nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait, ou il a recommandé de la faire. Là, il n'a pas fait du taqlid. Il a suivi Al-Hujja. Ahyanan, ça peut être une réponse, il ne comprend pas. Matalan, des réponses assez compliquées sur l'héritage. Il ne comprend pas. Les ayats min surat al-Nisa, il ne comprend pas les hadiths du prophète alayhi sallam. L'héritage, c'est une matière qui est un peu plus compliquée que certaines matières. Donc le shaykh, il lui dit, voilà, matalan, la mère, elle a as-sudus. Le fils, il a la moitié. La fille, elle a la moitié de la moitié du garçon. Peut-être il lui cite des adil. Les zakari mitlo hazil unsayin. Peut-être, oui, il ne comprend pas ce dalil. La fille, elle a la moitié de la part du garçon. Moi, il m'apprend le hukm du shir. Cette personne, matalan, une famille, ils ont perdu leur père, ils prennent le hukm. Et ils font la qisma. Ils partagent hazil amwal. Ils disent, matalan, la mère, elle a kada. La fille, elle prend kada, le garçon, il prend kada. Ils ne connaissent pas les adillah. Lakin, le shaykh, pour eux, il a dit, hada, c'est du taqlid. Limada, les anoum, ils n'ont pas compris la preuve. Et dans leur cas, c'est permis. Limada, les anoum, ils n'ont pas les capacités. On revient à la parole de l'imam Nutaymi, ya rahimahullah, anahu, c'est quel meïta. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur cas? Lianna, fi hada al-han, on doit bien comprendre. Al-Ba'd, il pense que le taqlid, c'est muharram dans tout. Si on prend leur qawl, c'est muharram dans tout. Comment elle fait cette famille? Ils n'ont pas compris les hadiths. Tu lui cites les versets, les hadiths. Il te dit, Anna, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Ou à la fin, il te dit, Anna, montre-moi. Je te fais confiance. C'est ça le taqlid. Il fait confiance au shaykh. Il dit, Anta, tu as compris les hadiths. Anna, je ne les comprends pas. Montre-moi comment on doit partager les biens de notre père. Fiyad al-hal. On ne va pas dire, là, tu ne dois pas faire le taqlid. Tu dois absolument étudier Bab al-Irth. Hada al-hal. Hada al-hal. Fali hada al-ulama yaqouloun. anna. Dans ce cas, s'il n'a pas la capacité, fama lahu illa at-taqlid. Et كذلك, le fait de poser la question, ou بعض اهل العلم يقولون بهذا, c'est un قول طيب, le fait de poser la question, في الحقيقة, il a suivi امر الله عز وجل. Allah قال فاسألوا اهل الذكر. Il a suivi cet ordre. Donc, il suit le Coran. Allah lui a ordonné de poser la question. La question vient à détailler le hukm lui-même, s'il ne connaît pas. C'est un genre de taqlid. Qu'on dise que le fait de poser la question, ce n'est pas du taqlid. Ou malgré cela, ça reste du taqlid parce qu'il n'a pas compris le sujet. Amr wasi', l'essentiel, c'est un ami. Il n'a que ça, il pose sa question. Donc, ça, c'est la première catégorie. ثم قال ويقلد افضل من يجده علما وورعا. Bien sûr que cette question, il ne demande pas n'importe qui. لان العامي, s'il est excusé, il ne peut pas rechercher seul et il a du mal à comprendre les textes. ففي هذا الحال, par contre, il a la capacité de se renseigner. مثلا واحد lui dit là, ne demande pas هذا, ne demande pas cette personne. Ne demande pas cette personne, c'est un ignorant. Et il lui montre, voilà, tel frère, tel shir, tel savant, il a la capacité. Il doit demander à celui qui a le plus de capacité. S'il y a deux savants et ils ont presque le même niveau, il demande à celui qui peut. Dans ce cas, il fait cet effort de demander. S'il demande à un des deux shir, tant qu'il est à la khair, il est à la sunna, il a du ilm, alhamdulillah. Al-maqsoud, il est hasil. فعلى كل حال في dans ce point le juste milieu العامي il se précipite pas à suivre aveuglément خاصة les passions, ça c'est grave. Là, il fait un effort de demander et كذلك il fait un effort pour comprendre la preuve. C'est clair, la plupart des masaïl c'est clair, même العامي peut les comprendre. لكن quand ça se complique فهذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. S'il ne peut pas, il demande à un cheikh et cette demande والله الحمد c'est une ibadah. S'il est sincère, لماذا لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر. فهو il applique هذا, il demande, فإنشاءالله il est à la خير. الثاني أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ. Deuxième cas, c'est pas un مقلد, c'est un مجتهد. Et on revient au chapitre précédent. Et il a la capacité de comprendre, de rechercher, etc. Lakin, ça peut arriver, haditha taqtadi al-fawriya. Ça arrivait il n'y a pas longtemps, la mas'ala de fermer les masajid. C'est une mas'ala qui est arrivée d'un coup, et ils n'ont pas eu le temps de faire des recherches, tu reviens à un savant. Maintenant, on te pose la question, tu dis, Anna, j'ai pas étudié cette mas'ala, c'est une nazila, ça n'arrive pas toujours. On revient à un savant, et on lui demande. قال واشترط بعضهم لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها لأن العقائد يجب الجزم فيها والتقليد إنما يفيد الظن فقط. نعم ثم إلى رجح أولا نغفي السكة أن هذا في الحقيقة c'est pas du taqlid. Et هنا on va voir la différence entre المجتهد qui pose la question et المقلد. المقلد il peut poser la question et il comprend pas le dalil. Donc ça reste un مقلد par rapport à ce point précis, comme on l'a détaillé précédemment. Amma hadha sa mujtahid. Matalan un shaykh, ou un talib ilm, mutamakkin, qui a fait des études et qui est sérieux et qui comprend beaucoup de choses. Un sujet, on lui demande, c'est une mas'ala azima, il préfère revenir au savant. Il demande au savant. Le savant, il lui répond avec un dalil. Huwa, quand il a posé la question, awwalan, il a demandé à Ahl al-Dhikr, pourquoi? Parce que Allah amara. Donc, il a fait du ittiba', il a fait du suivi, on a. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, le shir, quand il lui répond, et il lui cite Ad-Dalil. Maintenant, on reprend notre sujet, la fermeture des masajid. Il lui dit, les masajid, il faut les fermer. Si ce virus s'est propagé, pourquoi? Parce que Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré, Anna, si quelqu'un il est malade, fala, la yamur, moussih ala mumrid. Ou mumrid ala moussih, plutôt. Et celui qui est malade, il ne doit pas être en contact avec le malade. Peut-être qu'il va le contaminer. Kadalik, حديث أن الطاعون تولي أحاديث مهم سور الطاعون كذلك تولي أحاديث سور الضرر لا ضرر ولا ضرار تولي أحاديث سور المفاسد il lui montre tout cela et à la fin il conclut il dit الصحيح c'est que si cette maladie elle est propagée خاصة elle peut être propagée et l'insan, il ne sait pas. Et il peut faire du mal aux autres. Donc, pour fermer tout ce bœuf, la vie le plus juste, c'est si le marad il est propagé dans un pays, que les messagers diffèrent. C'est une fatwa mu'tabara. Ce talib, il prend hadha al-qawl, est-ce que c'est un muqallid? Là, il y en a tous les adillah qu'il a cités, il les a compris. Et il les connaissait. Lakin, le shaykh, il les a mis à leur place. Et il lui a montré, pas fait hadha al-hal, il n'y a aucun doute, c'est pas du taqlid. Wallahu ta'ala a'lam. Enfin, بعض العلماء disent c'est du taqlid, بعض العلماء disent c'est pas du taqlid, et c'est al-qawl as-sahih. Contrairement au am. Et en choisissant ce qawl qu'on vient de citer, tu feras la différence entre su'al al-ami, si on l'appelle taqlid, il y a un wajh, c'est clair, et su'al al-mujtahid, ou talib al-ilm, qui veut le haqq, qui comprend l'adil. Le talib al-ilm, tu poses à un cheikh la question, en tant tu as un doute, est-ce que ce dalil vraiment, sa place, c'est ce point là. Le cheikh, quand il te le cite, en tant tu connaissais le dalil. Quand il te le cite et il te montre le wajh, et Obama, il te cite une qaïda, tatma'in, ça t'apaise, et tu choisis ce qawl à l'ilm. Vous avez vu la différence. Un mal'ami, tout ça, il n'est pas capable. Donc, ça reste un muqallid. Wallahu a'lam. Amma, qawlu anna al-aqaid yajib al-jazm fiha, qala, wa rajih anna dhalik laysa bi shart. Aïe, dans l'aqida, on ne peut pas faire du taqlid, et dans le reste, on peut faire du taqlid. Aïe, le fait de poser, on est toujours dans le domaine de poser les questions. Qali, umum qawlihi ta'ala, fas'alu ahl al-dhikr in kuntum la ta'lamun. Na'am, kama qala, Cheikh Ibn Uthaymeen, il n'y a pas de différence. لأن الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر que ce soit dans une مسألة عقيدة ou autre si l'insan il a pas la capacité il te ment s'il comprend le hujja et son but c'est le hujja etc c'est pas un muqallid s'il comprend pas le hujja et le shir il lui explique c'est un muqallid même dans ce bab قال والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين ولأن العام لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبقى إلا التقليد نعم لكن سي دوموند بور الحجة اي كومبخون الحجة فهو في الحقيقة في هذا الحال سي من باب الاتباع لماذا؟ لأنه يسوي سيت افي بور الحجة اون روفيان او تعريف قال اتباع من ليس قوله حجة لكن سي بور سا سي امبورتون دو راجوتي بغير حجة اي شيخ ابن عثيمين فيو كو الظاهر الى شوازي سيت افي اي لا با سيتي هذا القيد Et cet ajout, bah, l'ulama il le cite et il est important, et c'est le qawl as-sahih, wallahu a'lam. Qala, wa li anna al-ammi la yatamakkan min ma'rifati al-haq bi adillatihi, fa idha ta'addara alayhi ma'rifatu al-haq bi nafsihi lam yabqa illa at-taqlid, li qawlihi ta'ala, fattaqu Allah ma istata'tum. Fa qawl jumhur al-ulama, anna celui qui n'a pas la capacité de comprendre le dalil, de rechercher le dalil, il demande, et s'il demande et il ne comprend pas Dalil, enfin dans ce cas, comme a dit Azza wa Jal, fattakullah mastata'atum. Il n'a pas d'autre choix. Sa capacité, c'est elle. Il peut demander, s'il ne comprend pas la réponse, certaines personnes qui ont atteint un certain âge et ils sont illettrés, ne savent pas lire, écrire, n'ont jamais étudié l'ilm, c'est très difficile certaines choses pour eux. Fa'a'ula, le shir, il leur explique simplement. Et là, bah, de citer Dalil, bien sûr, قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا, il leur montre et ils acceptent son qawl, alhamdulillah. Hada, ça nous montre l'importance de revenir à Ahlul Ilm. Là, là, le savant, même s'il se trompe. Maintenant, un ami min al-awam, il demande à un savant. On qadr ce savant, il se trompe. Il se trompe, il cite un avis et al-haq, c'est un autre avis. Ce ami prend l'avis de ce shir. Est-ce que ça va l'égarer? Ça va pas l'égarer. Il y en a ce savant, même s'il se trompe, il va se tromper dans une masail. Dans une mas'ala plutôt, min al-mas'a'il. Maintenant, au lieu de dire telle chose c'est obligatoire, il va dire c'est mustahab. Le muqallid, même si cette chose il l'a fait pas en se basant sur cette fatwa, il est excusé. Et le mujtahid, il est excusé. Alhamdulillah. Amma si les awam demandent à ahlul bid'a' ou al-dalal, peut-être qu'il va tomber sur un mu'tazili, sur un jahmi, sur un ash'ari, sur un rafidi, iyadan billah. Et la fatwa, elle est très très grave. Peut-être qu'il va lui répondre, Allah, il est partout. L'autre, il va lui dire, c'est permis de faire des manifestations. L'autre, il va lui dire, c'est permis de critiquer le gouverneur. Et yadam billah, hadha al-ammi yanharif. Et si c'est gars, le responsable, c'est hadha al-mufti, al-za'ir. Donc, c'est pour ça qu'on doit da'iman montrer aux gens l'importance de revenir à ahlul ilm, fi al-fatwa. Et encore plus, fi al-nawazil. Qala, rahimahullah, anwa'u al-taqlid. أي لديفيرونت كاتيغوري دو تقليد التقليد نوعان عام وخاص فالعام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه. إلى ستة نطخ تقسيم هنا سي أنواع التقليد. أي التقليد يبو être عام, عام سي جنرال جلوبال, أي في دو تقليد دون تو. مثلا يسوي المذهب الحنبلي أو المالكي أو الحنفي أو الشافعي دون تو. فالشافعي المذهب أو مالكي المذهب لوي tu lui parles pas d'autre chose, il suit le madhhab dans tout même si tu lui montres le haq il ne délaisse pas هذا التقليد. ثم يا التقليد الخاص c'est dans un sujet, مثلا il pose sa question dans une chose. قال العام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه, وقد اختلف العلماء فيه, فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين, وهذا سي باطل. فلهذا قال شيخ ابن عثيمين فمنهم من حكى وجوبه, certains ils ont dit c'est obligatoire. Pourquoi? قالوا لتعذر الاجتهاد في المتأخرين, لأن ceux qui sont venus après les quatre écoles ils peuvent pas faire l'ijtihad. فحصروا الاجتهاد sur الأئمة الأربعة أو certains imams si on élargit un peu plus. المهم ils disent à notre époque il y a pas de mujtahid, donc tu peux pas demander, tu peux pas rechercher, tu as qu'une chose, c'est tu suis ceux qu'ils ont dit. Ce qu'ils ont dit, مثلاً, le madhab maliki ou le hanbali, ça c'est batil, les mujtahidoun wallahi alhamd, ils étaient présents à l'époque et ils sont présents aujourd'hui. Limadha li anna Allah azza wa jalla il a révélé hadha al-Qur'an li tadabbur, et pour qu'on fasse des efforts pour rechercher l'ilm. Al-ilm faridatun ala kulli muslim, hakada qala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Amma haoula ils ont fermé les portes, et tu suis faqat. C'est pour ça que wa'ad haoula iyadan billah, tu peux lui citer un verset du Qur'an al-Karim et tu lui montres un hadith du prophète عليه الصلاة والسلام clair, le madhab c'est une erreur et al-haq il est dans ses preuves, et tu lui cites kalam, tu peux lui citer kalam l'imam Ibn Taymiyyah, tu peux lui citer le kalam مثلا lui c'est un maliki, tu lui cites kalam l'imam Ahmed ou l'imam Shafi'i ou l'imam Abu Hanifa, et il rejettera. Ça c'est plus du taqlid, ou c'est du taqlid lakin avec du ta'assub, avec de l'entêtement. Bardoum il se fanatise à l'école ou au shir ayyadan billah, et et il ne laisse plus al-madhhab. قال رحمة الله عليه ولما فيه من الالتزام المطلق لأتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم, أو أنا أبلي بارتي, ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. Et c'est ça le قول الحق. بعضهم ils ont dit c'est haram. Pourquoi? لأن ça veut dire que ils peuvent suivre هؤلاء autre que النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء vont dire لكن le madhab, si tu choisis un des quatre madhab, il est fondé bien sûr sur des ahadith du prophète, sur des Qur'an, لكن pas dans tout. Ça veut dire que هؤلاء ils autorisent de suivre autre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fil jumla, en général. Et là c'est très très grave. Allah subhanahu wa ta'ala amarana bittiba' rasoulih wa qal falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrih. Et amr le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, peut-être qu'en suivant ce madhab tu vas khalif une sunna du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Amma l'imam, l'imam مثلا l'imam Malik rahmatullah alayhi min kibar al-mujtahidin, bien sûr qu'il n'était pas infaillible, bien sûr qu'il y a des sujets que tu vas le khalif. Ba'd a'immatu al-malikiyya ils ont khalif l'imam Malik dans certains points, ça y a aucun problème, le khilaf il a toujours existé. Lakin prétendre le suivre dans tout même si il khalif le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors que lui il est excusé, celui qui suit aveuglément, il n'est pas excusé. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ce verset a été révélé pourquoi? Pour ceux qui suivent autre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Que ça soit un shir, que ça soit une école, que ça soit autre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'essentiel, c'est grave de suivre autre que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه. نعم لا شك فيه ما فيه سي غراف. الإمام ابن تيمية رحمه الله سي ان حنبلي المذهب لكن il était منصف. C'est pour ça qu'il a accepté la base, c'est qu'il a étudié المذهب الحنبلي. Il avait beaucoup de connaissances dans ce madhab, lakin il connaissait les autres madhahib, et ahyanan, combien de mas'ala il a khalif al-hanabila rahmatullah alayhi. Hakada ahlul haq. Wahid, il va dire, lakin, on n'a pas tous le niveau de Cheikh al-Islam rahmatullah alayhi. Il n'y a aucun doute à ça. Lakin, au moins voir cette intention, Si on te montre un dalil, et بعضهم يسابيرسواف اي ساف كو سي الحق. والله ان بعض المتعصبه للمذاهب ساف تري بيان كو لا فيريتي سي اوتر كو المذهب، لكن يسون توشي بار التعصب عياذا بالله. سي لا لا غرافيتي. اما اهل السنه يغني با لي مذاهب ابدا. المذاهب سا اكزيستي دوبوي اون سيرتين ايبوك اي العلماء ils ont étudié ces مذاهب، بل كثير من الائمه سي دي حنابله او دي مالكيه او اوتر. Et alhamdoulillah, il n'y a aucun problème. Lakin at-ta'assub, et penser que al-madhhab al-hanbali c'est le haq et les autres madhhab c'est le batil. Ou si tu ne suis pas cet avis de l'imam Malik, tu te trompes. Ha'oula, ils ont élevé al-a'imma au niveau de al-Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est très très grave. Hatta, ils sont arrivés à une époque, iyadam billah, al-hanbali, il ne donnait pas sa fille en mariage à un maliki. Et al-maliki, il ne donnait pas sa fille à un hanafi, al-madhhab wa hakada. بل يسون اريفي على نيفو عياذا بالله اون ايبوك المسجد الحرام. المسجد الحرام التعصب الى تي بروباجي بارتو. حتى في المسجد الحرام يافي 4 زمام. انظروا الفرقه بوكو العلماء يمت اون غارد كونتر التعصب، لان المسجد الحرام سي قبله المسلمين. اي كونت اون في الحج ف يا دي جون يفيان مثلا دو مغرب سي دي مالك المذهب، لي جون دو حجاز ان جينيرال سي دي حنبلي. Tu as Al-Shafi'iyya qui viennent d'Asie, qui viennent de certaines contrées du Moyen-Orient. Tu as les quatre madahib. Donc, Al-Tafarruq, ils ont atteint un niveau. Chaque madahib, il avait son imam. Donc, Al-Buhur, Al-Hanabila, il faisait derrière un imam. Al-Maliki, il faisait derrière un imam. Il y avait quatre mimbar, chacun le Jumu'ah. Ça, c'est très très grave. Walillahi alhamd. Mamlakatu al-Arabiyatu. المملكة العربية السعودية يزول بهذا والله الحمد أن إمام الآن المسلمون إخوة إنما المؤمنون إخوة même si on a étudié un madhhab différent on a étudié chez un cheikh différent on reste des frères الحق c'est الحق mon avis passe pas avant le tien passe pas avant le mien قول المالكية passe pas avant قول الحنابلة قول الحنابلة passe pas avant قول أقوال الشافعية لا c'est الحق et tu as un exemple dans les livres de l'imam Ibn Taymiyyah رحمة الله عليه Aïf al-Insaf, il est comme il était juste, rahimahullah, et son but c'était le haqq. Wa qala, aïe al-Imam ibn Taymiyyah, rahimahullah, man iltazama madhhaban mu'ayyanan thumma fa'ala khilafahu min ghayri taqlid li'alim akhar afta, wala istidlal bidalil yaqtadi khilaf dhalik, wala udhrin shar'i yaqtadi hilma fa'ala, fahuwa muttabi'un lihawah. فاعل للمحرم بغير عذر شرعي وهذا منكر. نعم، celui qui ne donne pas d'importance aux adilla et choisit le قول qu'il veut يتعصب son madhhab même s'il a un autre dalil même si un autre madhhab ils ont montré la vérité هذا يسوي ses passions et هذا يفيد حرام. قال واما اذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول اما بالادله المفصله ان كان يعرفها ويفهمها واما ان يرى احد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله فيرجع من قول إلى قول لمثل هذا فهذا يجوز بل يجب وقد نص الإمام أحمد على ذلك. سساء القول الصواب سساء الموقف الصحيح أنه مثلا مالك المذهب إلى اتجي لليفر دو أئمة المالكية سي بيرمي بيان سور. Et il vit dans un pays où ce madhhab il est muntashir, et il se dit Malik il madhhab. Le fait de se dire Malik il madhhab, c'est autre chose. Il y en a, هذه النسبة n'existait pas avant, mais on va dire que là c'est propagé. Si il a un sujet, مثلاً, une mas'ala, et واحد lui montre que l'imam Shafi'i il a dit autre, et il lui met des dalil. Et dans ce cas, il délaisse qawl al-Malikiya, il prend qawl al-Shafi'iya, fa hada tayyib. بل شيخ الإسلام قال بل هذا هو الواجب سيسا كي أوبليغاتوار. Dans ce cas, il y aura beaucoup moins de gravité dans المذاهب. نعم. بل c'est permis de les étudier إلى آخره. الانتساب الأفضل c'est que ce soit إلى السلف bien sûr. Il n'y a pas que ces quatre imams. Il y a des imams qui étaient avant eux, qui avaient plus de ilm qu'eux. Il y a des imams qui sont venus après eux. مهم الانتساب إلى السلف c'est لا شك que c'est أصح. Et تتعجب أن بعض الناس il critique Ahl al-Sunnah, il critique al-Salafiyoun. Pourquoi ? Parce qu'il dit « je suis Salafi ». Et quand Wahid dit je suis maliki ou hanbali ou hanafi ou shafi'i, pour eux il n'y a aucun mal. Ondor. Qu'est-ce qu'ils vont te dire en taille? Ils vont te dire pourquoi tu dis salafi? Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit salafi. Allah subhanahu wa ta'ala, semana muslimin. Il va te citer l'adilla. Et quand c'est le maliki, là, il n'y a plus de problème. Ou le hanbali ou le shafi'i. Ça montre le hawa. Alors que salafi, il y a un tasib, il y a salaf. Et le salaf, ça englobe hawla, l'a'imma wa qablahum, bien sûr, al-sahaba, radiyallahu anhum. Donc pourquoi al-inkar? Ça montre un mas'ala fiha hawa. Et hawla, comme a taqaddam ma'ana kathiran, leur problème, c'est de se dire salafi. Amma soufi, l'ash'ari, l'mu'tazili, pour eux, il n'y a aucun problème. C'est min al-thaqafa. Ça fait partie de la culture, ça fait partie de la tolérance. Amma salafi fala. Allez, hada, on ne doit pas faire attention à Haoula. Suis le haq, accroche-toi au haq, wala tubali biman khalif. Celui qui khalif, ça, il se fait du mal qu'à lui, fil haqiqa. Ala kulli hal, hada le kalam, il est tayyib. Donc, suivre un madhab à la base, si c'est pour l'apprendre, il n'y a pas de problème, c'est permis. Lakin at-ta'assub, c'est haram. Non. Et al-afdal, c'est de prendre al-ilm, ani al-salaf, ani al-salaf kullihim, sans se priver, suivre que tel shir, que tel imam. Tu vas te priver de beaucoup de choses. Maintenant, il y a des choses qui ne sont pas citées dans les livres de al-Malikiyya que tu trouveras عند al-Hanabila. Il y a des choses qui ne sont pas citées عند al-Hanabila, tu les trouveras عند al-Ahnaf. Il y a des choses qui ne sont pas citées عند al-Ahnaf, tu les trouveras عند al-Shafi'iyya. Il y a des choses que tu ne trouveras pas dans ces quatre écoles, tu trouveras dans d'autres. Hada, c'est venu après. Les Sahaba radiallahu anhum, mais ceux qui sont venus après, ils ne connaissaient pas Hada. Lakin, c'est venu après et on doit avoir ce comportement. At-ta'zim, c'est l'ilhaq. Amma al-rijal ou les écoles, c'est par rapport au haq. Et ça a fait de la division, ça a été cause de division dans l'Ummah. Jusqu'à aujourd'hui. Lil-asaf. Thumma qal, al-khas. Donc le premier naw', al-aam. Le deuxième, al-khas. Donc al-aam, c'est de suivre une école. Une école dans tout ce que cette école elle affirme, comme aqoul, comme avis. Al-khas, قال أن يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. نعم. Donc, هذا, ça revient à ce qu'on a cité précédemment. Khas est dans une question précise, dans un sujet précis. هذا, s'il n'a pas la capacité de faire des recherches, c'est pas un mujtahid. Il connaît pas l'adilla. Muhim, c'est un ami min al-awam. Ou, il n'a pas le temps. Ou, il y a une mashaqqa azima. Il y a une mashaqqa azima. Peut-être que pour chercher, il doit se déplacer. Et ses livres, ils sont dans un autre endroit. Et muhim, il y a une mashaqqa azima. On revient au sujet précédent. Il pose la question. Si c'est un ami. Et il peut pas comprendre. Enfin, il va accepter hada. Et ça va être un muqallid. Et c'est permis dans son cas. Si c'est pas un ami. Enfin, la question, il demande un délil. Et si le dalil, il est sahih, il est à sa place, il va accepter la fatwa parce qu'elle est fondée sur le dalil et hada, c'est pas du taqlid. Donc, al-khas, ça revient à ce qu'on a vu auparavant. Thumma qal, fatwa al-muqallid. Fatwa al-muqallid, c'est le muqallid qui fait la fatwa. Qal Allah ta'ala, fas'alu ahl al-dhikr in kuntum la ta'lamoun. Wa ahl al-dhikr hum ahl al-ilm. Wa al-muqallid laysa min ahl al-ilm al-matbu'in. Wa innama huwa tabi'un li ghayr. Et là, chacun n'a. On n'a pas le droit de demander à un muqallid. C'est ça la base. لماذا لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بسؤال أهل الذكر. أهل الذكر c'est l'ulama. Et il n'y a aucun doute que le muqallid c'est pas un alim. Donc on doit poser la question au savant. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله وغيره. أبو عمر يوسف ابن عبد البر صاحب التمهيد والاستذكار وجامع بيان العلم وفضله من أئمة المالكية. C'est un مجتهد كبير في العلم. C'est un مالك المذهب. Et il a expliqué le موطة deux fois dans التمهيد et dans الاستذكار. Et رحمه الله, c'était pas un مقلد. C'est pour ça que أحيانا il a خالف son مذهب et il a choisi des autres avis. رحمة الله عليه. قال أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم. L'unanimité. Anna al-muqallid, c'est pas un savant. Ça, t'estafide deux choses. Fais des efforts de ne pas rester dans, dans هذه المرتبة, à ce niveau du taqlid. لأن فضل العلم والعلماء il est معروف في الكتاب والسنة. On a déjà, والله الحمد, cité plusieurs fois الأدلة في هذا. كذلك تستفيد une autre فائدة, أن fais attention à qui tu demandes. À notre époque, كثير من الناس تساهلوا في هذا, خاصة à cause des réseaux sociaux. Le premier qui a une apparence, on ne parle même pas de ilm, hein, qui a apparence de l'islam, qui fait quelques efforts, وعدهم des questions leilan wa nahara. Et al-musiba est encore plus grande, أن هذا المقلد أحيانا يغيبون. Et ça donne quoi tout cela? C'est la conséquence de masa'ib. Un ignorant qui se fait interroger par des ignorants. Qu'est-ce que tu vas attendre comme réponse? Que de l'ignorance, que de la division, que du shar, que du mal. On fait attention, on fait des efforts pour apprendre l'ilm. Il y en a une récompense énorme, mais on fait des efforts quand on pose nos questions, on pose nos questions aux savants. قال رحمه الله وأن العلم معرفة الحق بدليله. C'est ça l'ilm, c'est connaître le haq avec la preuve. At-taqlid, c'est suivre sans connaître la preuve. Donc at-taqlid, c'est ça s'oppose au ilm. قال ابن القيم رحمه الله, أي انتهى كلام الإمام ابن عبد البر. ثم إلى رابورت لا parole de l'imam ابن القيم. قال ابن القيم رحمه الله وهذا كما قال أبو عمر, أي ابن عبد البر, فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصل عن الدليل, وأما بدون الدليل فإنما هو هو تقليد. Donc on doit donner de l'importance à هذا العلم. Ton but dans tes recherches, dans tes questions et la réponse que tu espères, ça doit être l'ilm. On fait attention à ce qui contredit hada. Que ça soit pas notre objectif à shuhra, de se faire connaître. Que notre objectif, ça soit pas à rukhas, demander ou faire une recherche, chercher l'avis pour nous faciliter ce qu'on aime, ou pour nous autoriser ce qu'on espère. Et on délaisse les avis qui montrent que c'est haram et on prend les avis qui montre que c'est halal. Pas parce que c'est la vérité là, par passion. On fait attention à hada. Inna hada al-amr, c'est du din. Et Allah subhanahu wa ta'ala, sami'un basir. Donc l'insan, il fait attention. Thumma hakam ibn al-qayyim, thumma hakam ibn al-qayyim, rahimahullah, ba'da thalik fi jawaz al-fatwa bit-taqlid, thalathatu aqwal. Na'am, faya un tafsir, on a cité la base, c'est que c'est haram. Aïe de demander au muqallid, celui qui ne connaît pas, et celui qui est ignorant. ثم إلى سيت هذا التفصيل قال أحدها لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم والفتوى بغير علم حرام وهذا قول أكثر الأصحاب أي الحنابلة. الإمام ابن القيم رحمه الله ستان حنبلي المذهب comme son شيخ شيخ الإسلام ابن تيمية. يتعلمون أن صاحب المذهب أو celui qui a un مذهب à la base et qui dit الأصحاب, الأصحاب c'est le pluriel de صاحب. Sahib, c'est le compagnon. Al-Ashab est leur compagnon. Huna, c'est al-Madhab. Quand un Hanbali dit « قال al-Ashab » comme Ibn al-Qayyim rahimahullah ou Ibn Taymiyyah, al-Ashab, c'est al-Hanabila. Al-Imam Nawawi, souvent, il le dit dans Sharh Muslim et dans al-Muhaddab. Sharh al-Muhaddab, al-Majmou' plutôt. Il dit « قال al-Ashab » ou « قول al-Ashab » c'est al-Shafi'iyya, parce que l'Imam Nawawi, c'est un Shafi'i al-Madhab. وهكذا بقية العلماء الأصحاب صغفيا ومذهب كسات إمام إسوي. قال وجمهور الشافعية donc c'est قول la plupart des حنابلة et كذلك la plupart de الشافعية donc c'est pas permis que المقلد يفسأ الفتوى أو de faire une fatwa بالتقليد sans connaître la preuve. الثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره. وبعضهم ils ont différencié, si c'est pour lui c'est permis. Si c'est pour transmettre aux autres, c'est pas permis. Taqaddam ma'ana anna si il a la capacité, enfin hada alhamdulillah, il revient à la preuve, s'il a pas la capacité, enfin il demande à un savant. Il demande à un savant et s'il a pas la capacité de comprendre la preuve, il suit et la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-thalith anna dhalik ja'iz 'inda al-haja wa 'adam al-'alim al-mujtahid wa huwa asah al-aqwal wa 'alayhi al-'amal intaha kalamuhu rahimahullah. Non, mais si il y a une haja et il y a pas de alim mujtahid, fa huna c'est une daroura, probablement un muqallid va rapporter une fatwa aux autres et lui-même il connaît pas, lui-même il connaît pas ad-dalil. Ce troisième cas العلماء احيانا نسيت تقسيمات هكذا. الحمد لله العلماء موجودون. سي بور سا كو سو تخوازيم كا il n'a pas existé auparavant, wallah alhamd, il y a toujours eu des a'imma, et à notre époque il existe. Ça peut arriver واحد qui ne peut pas, qui dans sa ville il y a pas de savant, il peut pas contacter. Amma à notre époque fi alhaqiqa c'est facilité. Enfin, on ferme l'abwab. À notre époque c'est facilité avec les messageries l'un, avec les réseaux sociaux, très vite tu peux contacter un frère que tu connais, ce frère il connaît un savant, et alhamdulillah. Ala kulli hal, on fait des efforts pour l'ilm, pour apprendre l'ilm, et on s'écarte du taqlid, sauf si l'insan vraiment, il n'a pas le choix, et une situation urgente, et il fait des recherches, et il trouve maintenant Cheikh Al-Albani qal, Cheikh Ibn Baz qal, wa yatma'in son cœur. Et son cœur, il s'apaise avec cette fatwa, et le Cheikh, il cite des adillah, même s'il n'arrive pas à tout comprendre, alhamdulillah, son but, ce n'est pas les passions. Fafi hada al-hal, hada al-muslim, il sera à la khair. Et ce sujet, comme atara, certains points, on n'a pas à détailler. Ça demande un peu plus de détails pour rajah al-aqwal. Et est-ce que tel avis, il est plus juste qu'un autre? Il a arrêté. On essaiera de le faire ensemble dans la risala qu'on a citée au début du cours. وبالله التوفيق. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة. نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل وأن يكلل أعمالنا بالنجاح. إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. فالحمد لله انتهينا من هذه الرسالة النافعة المختصرة. شيخ ابن عثيمين اللي أبلي مذكرة الوجيزه المختصره المذكره ça vient de الذكر c'est pour se rappeler. وهكذا اهل العلم شيخ العثيمين رحمه الله عليه لا شك c'était un imam في السنه c'est un grand savant في علم الاصول. Il a expliqué plusieurs livres, خاصه les livres de ابن رجب في الاصول والقواعد. Il a expliqué قواعد ابن رجب, il a expliqué d'autres livres رحمه الله عليه. Et هذا c'est عباره عن مذكره. وهكذا on doit s'habituer نحن. المذكره c'est quoi? C'est résumer un livre, une matière pour toi. بعض العلماء ils ont résumé à la base pour eux et c'est devenu des livres qui ont été propagés plus tard. فهكذا انت quand tu finis une matière, quand tu finis un livre, habitue-toi à résumer pour toi. Tu n'es pas obligé de propager. Ben à notre niveau, on n'a pas à propager. والله الحمد لله savants ils propagent leur ilm etc. نحن ربما on n'a pas atteint ce niveau. Voilà, chèque. Donc, tu peux résumer pour toi. Tu peux résumer pour toi. Et bien sûr, ce résumé, il faut que واحد, il te le corrige. Et nous, alhamdoulilah, ensemble, on s'entraide dans ça. Donc, on conseille les frères de résumer. هذه الرسالة في الحقيقة شيخ ابن عثيمين رحمه الله. Elle est déjà résumée. Donc vraiment faire un résumé pour toi. Chaque masail avec les points importants. Et شيخ ابن عثيمين, à la fin du livre, il a cité des as'ila. Il a cité les maraji', il a cité les références, et ça c'est tayyib. Il a cité des livres importants. Parmi les livres qu'il a cités, Rawdatu an-Nadhir, il est connu de l'imam Ibn Qudama rahimahullah. Usul al-fiqh, c'est un Hanbali al-madhhab. Enfin, beaucoup de masail c'est par rapport au madhhab Hanbali, lakin c'est un livre tayyib. Kadhalik Zad al-Ma'ad, I'lam al-Muwaqqi'in, khassatan I'lam al-Muwaqqi'in, c'est une référence. Lakin, il est assez compliqué dans certaines choses. Enfin, ça demande un certain niveau. Et hakada d'autres livres. Irshad al-Fuhul de l'imam Shawkani, il est tayyib, lakin certaines masail untuqida fiha. Il y a des choses, c'est min ilm al-kalam. Il a détaillé dans des choses. Fal haqiqa, on n'en a pas forcément besoin. Enfin, hada al-kitab de l'imam Shawkani et d'autres savants, ça demande un certain niveau. Amma nahnu, si on arrive à étudier wallahi alhamd al-usul min al-usul, et si on rajoute Ma'aqid al-Fusul et كذلك al-Mudhakkira de l'imam Shanqiti rahmatullah alayh, fa hada c'est largement suffisant pour celui qui recherche al-haq. كذلك al-Muswadda fi usul al-fiqh. Et hada al-kitab il est tayyib limadha li anna c'est trois imams qui l'ont écrit. Cheikh al-Islam rahimahullah Ibn Taymiyyah, son père et كذلك son grand-père. Fa les trois, ce livre c'est rassemblement de leurs paroles, fait il est tayyib jiddan. Et d'autres livres. Et hada al-mukhtasar, celui qui le maîtrise et qui comprend l'abwab, falhamdulillah, il aura des bases tayyiba dans l'usul. La plupart des masaïl, tu les comprendras. Bien sûr, il y a d'autres sujets, des furu', des points qui ont été approfondis. Ça viendra avec le temps. Ouais, il va. La plupart des masaïl que tu étudieras dans le fiqh, que ce soit dans l'umda, dans le boulour, que ce soit dans les kutub des madhahib, walillahi alhamd, ces usul, ils te suffiront. Certaines choses que tu auras besoin, ça viendra plus tard. Thumma, il a cité As'ila ala al-muqarrar. Et ça, c'est tayyib. Il y en a ce livre à la base, il a été écrit pour les écoles, pour les jami'at. La'allahu, il avait cité hada au départ. Na'am. نعم وديبار قال فهذه هي رسالة مختصرة طال مقدمة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية نعم سي اون رسالة كي تيجي دون سيغتان زيكول في المملكة سي بور سا كي لا إكخي ولله الحمد تخي سامبلومون اي لا ميثودولوجي إلي طيبة إلي كلير بور كو لي زيتيديون إيز أريفا أ كومبخوندر إي على فان إلا سيتي دي كيستيون. Allez, c'est des exercices pour voir si tu as compris. On conseille à nos frères de faire répondre à ces questions. Et Inch'Allah Ta'ala, plus tard, quand on reprendra les cours normalement, on fera la muraja'a en se basant sur ces questions. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiq al-jami' wa an yarham mu'allif hadhihi ar-risala al-imam Ibn al-Uthaymeen rahmatullah alayhi. ونكتفي بهذا القدر. أما الليفر qu'on étudiera prochainement, enfin pour l'instant on va arrêter les cours le samedi. Et là c'est bientôt Ramadan. Et en attendant de reprendre notre rythme à l'ikhwa et les cours, qu'on soit ensemble. Le prochain livre ça sera sur Al-Qawa'id. Il y en a une autre matière qui est très très importante et qui est liée au fiqh, c'est Al-Qawa'id Al-Fiqhiyya. Et on a cité au début du livre, la différence entre l'usul et l'qawa'id, wa lillahi alhamd. Donc, ceux qui ont assisté avec nous depuis le début, on avait parlé de ce livre, l'qawa'id al-fiqhiyya de Cheikh Sa'di, rahimahullah. Donc, on commencera normalement après Ramadan, bi'idhnillah azza wa jal. Amma, à partir de demain, on continue les cours tous les jours tant qu'on est dans cette situation. Normalement, ça sera jusqu'à Ramadan. Thumma, on verra à Ramadan. Amma, l'an, on conseille nos frères de réviser هذا الكتاب, de le réviser, de le résumer. Et les masaïl qu'ils n'ont pas comprises, Inch'Allah, quand on reprendra les cours, on verra ensemble et on fera la révision. Thumma, on passera au livre de Cheikh Sa'di, Al-Qawa'id Al-Fiqhiyya Al-Manzouma. C'est une risala très très simple et très bénéfique. هذا والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.